Bonjour à tous. Aujourd'hui, beignets aux pommes, coulis de cidre pour 4 personnes, 4 belles pommes épluchées et vidées, 5 centilitres de calvados, 80 g de sucre pour la pâte à beignets, 150 g de farine, 20 centilitres de bière blonde plus sel. Pour le coulis de cidre, 1 demi-litre de cidre plus 125 g de sucre. Préparation de la pâte à beignets, farine plus bière plus sel, bien travaillée et laissée reposer une heure au frais. Coupez les pommes en rondelles 1 cm d'épaisseur. Les saupoudrer avec 40 g de sucre plus calvados et laisser mariner 30 minutes. Le coulis de cidre, faire un caramel bien blond, sucre plus 2 cuillères à soupe d'eau. Déglacer avec le cidre, cuissons 5 minutes, rampez les pommes dans la pâte à beignets, plongez dans la friture à 180 degrés 40 secondes de chaque côté, saupoudrez avec le restant de sucre, dressez sur les assiettes avec le coulis de cidre. Une petite boisson conseillée, un cidre fermier à boire avec modération.